les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un unique roman, Auto da Fé, une œuvre autobiographique, la langue sauvée, le flambeau dans l'oreille, jeu de regard, les années suivantes, un essai, masse et puissance. Elias Canetti, né en Bulgarie, sur les bords du Danube, en 1905, mort en 1994 à Zurich, écrivain d'expression allemande, Elias Canetti, mort citoyen britannique, avait reçu le prix Nobel de littérature en 1981. Dans son autobiographie, il raconte que dans la même journée, enfant, il pouvait entendre parler bulgare, arménien, grec, turc, albanais, roumain, russe et tant d'autres langues. Familialement, trois langues étaient parlées chez lui, l'espagnol, le bulgare et l'allemand. Une vie, une œuvre, Elias Canetti, l'éveilleur d'un futur antérieur, par Catherine Paoletti, réalisation Anna Smuk, première diffusion sur France Culture le 19 novembre 1998. Et ton nom paraîtra dans la race future. Et ton nom paraîtra dans la race future. Pure. Je dirais qu'un honnête homme, c'est une personne qui a le sentiment des changements énormes dans notre vie et qui essaie de les comprendre et de devenir une personne entière qui a des réactions sans se limiter, sans se spécialiser, sans avoir une vue étroite et qui en même temps veut essayer de... améliorer les choses, qui n'est pas content des dangers de notre temps, qui ne dit pas tout est perdu, il n'y a rien à faire, qui au contraire essaie de comprendre assez pour maîtriser ce qui arrive. Une vie, une œuvre, Elias Canetti, l'éveilleur d'un futur antérieur. Une émission de Catherine Paoletti, réalisée par Anna Schmuck. Quand il a eu le prix Nobel à Stockholm, se sont précipités pour le féliciter plusieurs ambassadeurs. Il y avait l'ambassadeur de Bulgarie, évidemment, puisqu'il est né en Bulgarie à Roudchouk en 1905, dans la communauté séfarade, c'est-à-dire juive espagnole, de cette petite ville du Danube. Il y avait l'ambassadeur d'Israël, parce qu'il est juif. Il y avait l'ambassadeur de Suisse, puisqu'il vit en Suisse. Il y avait l'ambassadeur de Grande-Bretagne, parce qu'il a un passeport britannique. Il y avait l'ambassadeur d'Autriche, parce qu'il est un écrivain de langue allemande et qu'il a vécu une bonne partie de sa vie à Vienne. Il y avait donc tous ces ambassadeurs qui, un peu comme les rois mages, venaient féliciter un enfant du pays. Dorme, dorme, comme ça va, dorme, je suis né en Bulgarie de parents de juifs espagnols. La première langue était le ladino, qui est une vieille forme de l'espagnol du 15e siècle. J'ai quitté la Bulgarie à l'âge de 6 ans et après j'ai fait mes écoles en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et après à Vienne, mes études d'université. J'ai commencé à écrire à Vienne dans la langue allemande et je suis devenu un écrivain de l'école de Vienne. En 1938, j'ai quitté Vienne à cause de l'Hitler, les nazis, et je suis rentré, on pourrait dire, en Angleterre où j'habite maintenant, à Londres. Il est resté jusqu'à la nuit de cristal de novembre 1938 à Vienne, quitté Vienne donc avec sa femme, d'abord pour Paris et puis pour Londres. Gerald Stiel. Mais les 14 ans à Vienne entre 1924 et 1938 sont effectivement essentiels pour la compréhension de l'œuvre de Canetti. Ce sont des années fondatrices, je dirais, de l'écrivain Canetti. De par son lieu de naissance, Roustchouk, sur les bords du Danube, en Bulgarie, Canetti s'est trouvé immergé de fait dans un babélisme linguistique et culturel. Alors, il rapporte que là, on pouvait entendre parler 7 ou 8 langues dans la même journée, car se côtoyaient bulgares, turcs, séfarades, grecs, arméniens, albanais, tziganes, roumains et russes. Et lui, familialement, il vivra au moins durant son enfance sous le signe de 3 langues, l'espagnol, ancien, parlé par sa grand-mère, le bulgare, qui est sa langue de communication avec ses amis à l'extérieur, et la langue qui lui sera interdite jusqu'à la mort de son père, celle qui était réservée aux échanges entre ses parents, l'allemand. Mais cette seconde langue maternelle sera pour lui celle de l'écriture et de la littérature. Mais quand elle apparaît, elle n'est en fait que sa 5e langue, puisque bon, il aura entre-temps, par l'exil de ses parents en Angleterre, appris l'anglais et le français par sa gouvernante. Donc Canetti se trouve d'emblée confronté à une forme de babélisme linguistique. Alors comment cela se passe-t-il pour lui, Marc Delaunay ? Écoutez, ce qui est tout à fait frappant dans le trajet qui n'est pas simplement autobiographique, encore une fois, parce que ce trajet autobiographique d'accession à la langue allemande est aussi un trajet intellectuel et de formation culturelle profonde. Bon. Dans ce trajet-là, et dès l'origine, ce qui me paraît absolument frappant, c'est l'extrême violence. Parce que lorsque son père meurt et que il a donc, je crois, 7 ans, et que sa mère quitte l'Angleterre pour arriver en Suisse, à Lausanne, où elle commence à, je ne dis pas l'obliger, parce que c'est plus que ça, le contraindre et le forcer en le menaçant tous les jours de ses sarcasmes, en lui retirant son affection, en le traitant d'idiot, d'apprendre l'allemand d'une manière dont l'autoritarisme est presque absurde. Elle lui lit une phrase, elle lui donne immédiatement la traduction en anglais, et une deuxième phrase, une troisième phrase à une allure folle, et le lendemain, il est censé retenir le sens de ces 10, 15 ou 20 phrases. Bon, évidemment que cet enfant vit ça comme un drame, ne voyant pas et ne comprenant pas à l'époque que sa mère essaye de faire de lui son interlocuteur privilégié. Les parents de Canetti, d'un milieu très aisé, grande bourgeoise, ont fait leurs études à Vienne, se sont connus à Vienne, et ils avaient leur temple de la culture, c'était le théâtre de Vienne, c'est le Burgtheater de Vienne, la grande scène, une des plus grandes scènes de langue allemande. Et si vous voulez, l'arrière-fond culturel du petit Elias Canetti en Bulgarie était finalement l'arrière-fond viennois. Et quand son père est mort à Manchester, en Angleterre, sa mère a pris la décision de retourner à Vienne. Le retour à Vienne, c'était le retour à l'amour du théâtre et à l'amour du père. C'est une histoire extrêmement touchante, d'ailleurs. Et après la mort du père, donc, l'enfant a eu le droit, et pas seulement le droit, le devoir d'apprendre immédiatement l'allemand. Il le raconte très bien dans son livre « La langue sauvée ». il faut, je crois, rappeler que, parce que beaucoup de gens font la confusion, que le titre « La langue sauvée », c'est pas la, le langage sauvé, c'est l'organe de la bouche qui est sauvé. Les pages, les premières pages de « La langue sauvée », à mon avis, symbolisent bien la suite. Il raconte un rêve, qu'évidemment on peut interpréter comme un rêve castrateur du point de vue freudien, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici, où... intervenant, lui, entière dans la vie d'un couple, il est menacé physiquement de se faire couper la langue, et cette langue sauvée, c'est, sa, c'est l'organe de la diction qu'il va sauver à travers une formation, une accession au langage qui paraît elle-même encore tout à fait empreinte de cette violence sanglante de ce premier rêve. Roustchouk. 1905-1911. Mon premier souvenir. Mon souvenir le plus ancien est baigné de rouge. Je sors par une porte sur le bras d'une jeune fille. Le sol devant moi est rouge, à gauche d'une descente d'escalier rouge également. En face de nous, à même hauteur, une porte s'ouvre, laissant passer un homme qui avance à ma rencontre en me souriant gentiment. Arrivé tout près de moi, il s'arrête et me dit « Fais voir ta langue !» Je tire la langue, il fourre la main dans sa poche, en sort un canif, l'ouvre et porte la lame presque contre ma langue. Il dit « Maintenant, on va lui couper la langue !» Moi, je n'ose pas rentrer ma langue, et le voilà qui arrive tout près avec son canif. La lame ne va pas tarder à toucher la langue. Au dernier moment, il retire sa main et dit « Non, pas aujourd'hui. » Demain. Il referme le canif et le remet dans sa poche. Il vous avait parlé de ce moment-là où il a enfin accès à l'allemand. C'est-à-dire, on en a parlé, notamment parce que pour lui, à partir de ce moment-là, disons, l'allemand était déjà une langue secrète, interdite, mystérieuse pour lui. Et avec cet apprentissage, l'allemand est devenu pour lui quelque chose comme la langue sacrée. Il a même fait un véritable mythe hein, de l'allemand. Il se voyait un peu comme gardien de l'allemand en exil, vis-à-vis donc de ce qui s'est passé avec la langue allemande en Allemagne. La langue allemande restera la langue de mon esprit, et cela parce que je suis juif. Je veux conserver en moi, en tant que juif, ce qui reste d'un pays dévasté de toutes les manières possibles. Le sort de ses fils est aussi le mien, mais j'apporte en plus un héritage à l'humanité tout entière. Je veux rendre à leur langue ce que je lui dois. Je veux contribuer à ce qu'on leur sache gré de quelque chose. Le territoire de l'homme, 1944. Le personnage de Karl Kraus est un autre gardien de la langue allemande, il faut bien le dire. C'était l'instance morale absolue de la Vienne de cette période. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que Canetti dit que Karl Kraus est celui qui lui a ouvert l'oreille, donc qui lui a fait comprendre que les êtres se parlent, mais qu'ils ne s'entendent pas. À la fois qu'il n'y a pas de plus grande illusion que de croire que la langue serait un moyen de communication entre les êtres. Alors, c'est aussi une crise qu'il pointe. Mais c'est une crise biographique d'abord. C'est-à-dire que Karl Kraus ressemble à quelque chose comme l'émergence d'une figure paternelle dans un environnement où l'allemand était entièrement entre les mains d'une figure maternelle. Et tout d'un coup, c'est une figure masculine qui ouvre les portes de la maison familiale les portes de cette maison familiale où Canetti dit assez, de manière assez soulignée, qu'il étouffait à l'intérieur de cette mainmise maternelle, Karl Kraus représente tout d'un coup l'irruption d'une figure paternelle extérieure, neutre, qui parle un allemand que sa mère ne parle pas. Bon. Et donc, ça fait sortir Canetti d'une certaine représentation de l'allemand dicté par les classiques que sa mère lui faisait lire. Karl Kraus a représenté l'innovation. C'est une rupture totale par rapport à l'éducation obligée qui passe par Goethe, par Schiller, etc., par les auteurs, disons, classiques. Et, bon. Et Karl Kraus, c'est l'irruption d'une originalité créatrice, en même temps une originalité créatrice extraordinairement décapante, virulente, extrêmement ironique, agressive, critiquant l'époque, au nom d'une excellence qui était une excellence, alors, inouïe du point de vue artistique. C'est-à-dire, il, et à juste titre, Canetti dit l'oreille ouverte, hein, c'est parce que la langue de Kraus, la diction de Kraus durant ses conférences, s'adressait à ceux qui avaient une sensibilité aux matériaux phoniques, aux matériaux rythmiques, c'est-à-dire aux matériaux esthétiques, à la dimension esthétique du langage. Canetti, d'ailleurs, raconte comment il a assisté aux premières conférences de Karl Kraus, et on comprend assez facilement que ce jeune homme n'entendait peut-être pas grand-chose, au sens, il ne comprenait peut-être pas grand-chose au contenu des conférences de Kraus. Mais il était tout oui, en tant que jeune artiste, qui s'ignorait sans doute encore, tout oui au type de travail sur le matériau phonétique qu'opérait Karl Kraus. Et sans doute, beaucoup plus que sa mère, c'est Karl Kraus qui a été l'élément déclencheur de l'écrivain Canetti. Karl Kraus devient son maître absolu, lui-même se décrit comme un véritable esclave de Kraus, et je pense que Canetti est le meilleur disciple de Karl Kraus en ce qui concerne la façon de lire en public sa propre œuvre, parce que Kraus faisait des lectures en public assez régulières à Vienne, essentiellement de sa propre œuvre, mais aussi des extraits de la littérature mondiale. Il y avait des pièces de Shakespeare, de Goethe, il y avait même les opérettes de Offenbach que Kraus chantait seul, accompagné au piano, et Canetti n'a raté aucune lecture en public de Karl Kraus à Vienne. Ja, das ist meine Pflicht, bitte seht's denn das nicht, das wär so eine Geschichte, hätt ich nicht meine Pflicht, auf die Ordnung erpicht, bin ich treu meiner Pflicht, wenn ein Umsturz in Sicht, ich erfüll meine Pflicht, die Elemente vernicht ich bezüglich der Pflicht, doch wenn einer einbricht, hätt ich auch eine Pflicht, nur erwisch ich ihn nicht, wie es wär meine Pflicht, da genügt ein Bericht hinsichtlich der Pflicht, der ist schon ein Gedicht, das nur handelt von Pflicht, denn stets Wert und Gewicht, leg ich nur auf die Pflicht. In den Mäßheit der Pflicht hab ich's manchem schon gericht. Ans Licht, hinters Licht, hör ich alles nach Pflicht. Man glaubt mir aufs Gesicht, da ist nix drin als Pflicht. Schon mein Auge besticht, denn es spricht nur von Pflicht. Und mein Herz ist so schlicht und schlagt nur nach der Pflicht. Das geschworene Gericht hat verletzt seine Pflicht. Wenn's Verschworene freispricht, ja wo bleibt da die Pflicht? Dass ich aufs Amt nicht verzicht, das gebietet die Pflicht. Wohl wagt's mancher Wicht und verkennt meine Pflicht. Doch vor's Gericht geh ich nicht, das ist nicht meine Pflicht. Mais quand vous voulez dire que finalement c'est le plus proche disciple de Kraus, y compris par rapport aux lectures, vous évoquez la manière aussi dont Canetti après a lui-même assumé de lire publiquement des textes, parce que, comment dire, c'est tellement particulier la manière dont Karl Kraus déclame ses textes, enfin il y a une espèce de violence, enfin qu'on imagine très peu... de la part de Canetti, où la violence serait plutôt retenue plutôt que exprimée. Détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Bon, Canetti a, bon, pour des raisons d'abord purement matérielles, Il était pauvre, hein, en exil, et son retour vers l'ère germanique était très compliqué, très difficile après la guerre. Canetti a quand même vécu pendant très longtemps de ses lectures en public. Et j'ai entendu, par exemple, Canetti lire les extraits du roman di Blendon, Auto da Fé, notamment le chapitre particulièrement horrible qui est intitulé « Le bon père ». C'est du grand théâtre viennois. C'est une pièce où le dialecte viennois joue un rôle considérable. Et Canetti était capable, comme Krauss d'ailleurs, de lire les voix de 5, 6, 7, 8 personnages différents. Il y avait donc un don de métamorphose considérable. Ce qui est encore plus net quand on l'entend lire ou quand on le voit lire son propre théâtre. Là, vraiment, il est très proche de Karl Kraus, donc le théâtre de Canetti. Le théâtre, c'est essentiellement Noces et Comédie des Vanités. Toutes les deux pièces ont été écrites à Vienne, au début des années 30. Et là, vous avez une filiation très directe du théâtre populaire viennois, et notamment de la grande tragédie sur la Première Guerre mondiale de Kraus, Les Derniers Jours de l'Humanité. La technique de Canetti au théâtre et la technique de Karl Kraus, c'est la technique du masque acoustique. Et ça, c'était même, je l'ai vu se transformer devant moi en animal pour jouer avec les enfants. Une force de métamorphose. Alors, il était un très, très grand acteur comme Kraus. Malheureusement, le théâtre de Canetti ne passe pas en français, c'est-à-dire parce que c'est du théâtre viennois construit sur les matériaux acoustiques de la ville de Vienne. Donc il y a le problème du dialecte et on se heurte à la traduisibilité. C'est pas vraiment traduisible, comme Karl Kraus n'est pas vraiment traduisible. Personnellement, j'aime beaucoup les réflexions de Canetti, c'est-à-dire le livre de la respiration, c'est-à-dire notamment Le territoire de l'homme et la suite, Le cœur secret de l'horloge et puis Le collier de mouches. Et les dernières réflexions de Hampstead, qui ne sont pas encore toutes traduites. J'aime beaucoup ça. Évidemment, c'est une lecture. C'est pas la lecture d'un roman, c'est pas une lecture facile. C'est le Canetti de la maturité aussi. C'est le Canetti de la maturité. Et je pense que, notamment pour un public français, il y a là une très grande parenté avec une tradition française, la tradition des moralistes. C'est-à-dire, on croit que lire de temps en temps quelqu'un comme Montaigne, La Rochefoucauld, Vauvenargues, et surtout Pascal. Il le cite d'ailleurs de temps en temps, même en français, sans le traduire. Et évidemment, ce sont des livres de réflexion. C'est une lecture qui provoque, à mon avis, qui doit provoquer la méditation. Ce n'est pas à la solitude qu'il me reste à apprendre. Car elle ne me pèse pas, j'aime être seul. Mais bien le silence en société. Ces explosions subites de paroles rapides, impétueuses, sont sans valeur et déroutantes. Peu importe d'ailleurs à qui elles s'adressent et si elles sont comprises ou non, ce sont les mots eux-mêmes, mes propres mots, qui exercent un effet terrible et dévastateur sur moi. Ils sont trop forts, je dois les atténuer au moment de les écrire. Ce que je dis est si violent que quiconque l'entend doit m'éviter, ne serait-ce que pour se protéger lui-même. Mais moi, je ne peux pas éviter mes propres mots. Je leur suis livré, je les absorbe, je les comprends totalement. Je suis agité par eux comme un océan déchaîné. Le collier de mouche. Une extraordinaire discrétion chez Canetti. C'est pas du tout un personnage public, c'est pas du tout quelqu'un qui recherche des interviews, la gloire, au contraire, et par conséquent pour lui, la communication passe exclusivement par un biais qui est l'élitisme ce serait un mot excessif, mais l'ésotérisme qu'il a appris chez Krauss. Der Ohrenzeuge bemüht sich nicht hinzusehen. Dafür hört umso besser. Kommt, bleibt stehen, drückt sich unbemerkt in eine Ecke, schaut in ein Buch oder in eine Auslage, hört, was es zu hören gibt und entfernt sich unberührt und abwesend. Man würde denken, dass gar nicht da war. So gut versteht sich aufs Verschwinden. Schon ist woanders, schon hört wieder hin. Weiß alle Orte, wo etwas zu hören gibt, steckt es gut ein und vergisst nichts. Comme le langage est investi et surinvesti, parce qu'il est le véritable territoire où on peut s'enraciner, le véritable foyer, la nouvelle patrie à venir, alors c'est un élément précieux qui ne peut pas se galvauder. Alors la communication ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire. Alors on s'approche de ce dont Benjamin rêvait quand il parlait de la langue des anges. Bon, on touche là à une communication qui est d'un autre ordre et dont on a un exemple, encore une fois très concret, biographiquement parlant, qui est le type de communication auquel Canetti s'est livré avec sa première femme, Vesa. Il est évident qu'il y avait une grande différence d'âge entre eux. La manière dont ils racontent leur relation amoureuse est totalement débarrassée d'un quelconque référence à quoi que ce soit d'érotique. Tout passe dans les délices sublimés des échanges raffinés que ces deux personnes avaient et à travers lesquels ils s'aimaient véritablement, c'est-à-dire des échanges sur Büchner, sur Lenz, sur la littérature allemande, sur la dernière conférence de Karl Kraus. Ça passait d'abord par un échange absolument platonicien, pas nécessairement platonique, mais platonicien. C'est-à-dire, c'était les âmes qui se parlaient d'abord, et c'était les âmes qui s'aimaient, les âmes qui se parlaient. On ne peut pas supposer que les corps ne s'aimaient pas non plus, mais je veux dire, ça n'intéresse manifestement pas Canetti de nous raconter quoi que ce soit à cet égard. Mais alors, justement, pour venir à ce qui serait ce que vous pourriez considérer comme la spécificité de la biographie de Canetti. Donc, effectivement, à la fois, il se raconte, enfin, il entre quand même dans certains détails très précis de son enfance et de sa vie. Mais ce n'est pas une biographie à lire pour y trouver, disons, justement, des matériaux très concrets, mais plutôt l'esprit d'une époque, à votre avis ? Écoutez, moi, je lirais ça, de manière un peu ironique, avec cum grano salis, bien entendu, avec un... Mais... Après tout, l'analogie a quelque chose d'un peu percutant, si vous voulez. C'est les années de formation de Wilhelm Meister par le deuxième Goethe. C'est-à-dire, c'est pas du tout, justement, le trajet fait par Wilhelm Meister, comme chez Goethe, dans l'Allemagne, faite de bosquets, de chênes, de forêts, de montagnes, de paysans, de villages, de pittoresques. Mais ce sont les années de formation d'un futur artiste, qui commence dans la violence de sa langue qu'on va lui arracher et qui se poursuit avec Die Fackel im Ohr, c'est-à-dire le flambeau, ce qu'on appelle le flambeau dans l'oreille. Il faut entendre évidemment toujours que Die Fackel, c'est le titre de la revue de Karl Kraus. Donc c'est comme si Karl Kraus lui avait soufflé dans l'oreille enfin la possibilité de devenir artiste. Et c'est en quelque sorte les années de formation d'un artiste. À travers un matériau unique qui est l'allemand, non pas traditionnel, mais encore une fois, cet Allemand dont il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il a appartenu aussi, en partage, mais de manière tout à fait plénière et originale, à des gens qui étaient juifs. Bon. Et c'est bouleversant, cette biographie, parce que c'est vraiment... On suit pas à pas le cheminement d'un artiste qui se forme. À quelles conditions devient-on artiste, en quelque sorte ? Seulement, on est au XXe siècle. et on est juif, et dans un contexte allemand antisémite. Alors, cette formation-là devient extrêmement problématique. Et ça, c'est bouleversant. Mais à la fois, il insiste aussi beaucoup sur les errances et les non-réussites de ce parcours. Ah ben, bien sûr. Il a une sensibilité, je dirais presque morbide, pour les échecs. Mais comment est-ce qu'il pourra en être autrement chez quelqu'un qui est relativement pudique sur ses propres souffrances, mais dont on peut voir qu'elles existent de manière brutale? La mort de son père est un drame, la mainmise sur lui de sa mère est un drame également, les scènes de jalousie que lui fait sa mère lorsqu'elle devine qu'il commence à être amoureux sont épouvantables, quotidiennes. Elle essaye à tout prix de l'empêcher de réussir sa relation avec sa première femme. Il se marie d'ailleurs secrètement, elle lui en voudra jusqu'à sa mort. Voilà, ce sont des chantages perpétuels. Son grand-père, d'ailleurs, avait commencé lui aussi de son côté à exercer le même type de chantage. Il ne voulait pas laisser partir en Angleterre. Il ne voulait pas qu'il ne soit pas un bon juif traditionnel. Enfin bref, il est au centre de nombre de tensions, et de volontés contradictoires. Et puis, il y a une souffrance manifeste à laquelle on assiste presque à chaque page. Ce sont les études de chimie auxquelles sa mère le contraint. Ce garçon est obligé de faire des études pendant des années, contre son gré. De gagner de l'argent. D'étudier une matière qui ne lui dit absolument rien. De mener une vie contrainte en permanence. Et aussi parce que l'antisémitisme est actif autour de lui, aussi parce que l'Autriche s'effondre. Le monde dans lequel il vit est un monde de contraintes, de violence. Et son parcours est un parcours finalement d'une souffrance inouïe, en permanence. Comme le scorpion, mon frère. Tu es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau, mon frère. Tu es comme le moineau. Dans ses menues inquiétudes. Comme la moule, mon frère. Tu es comme la moule. Enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère. Ben, écoutez, je vais être très personnel, hein, si vous permettez. J'ai découvert Canetti très tardivement. J'étais déjà jeune universitaire à l'université d'Innsbruck et on a acheté des livres de poche à l'appel et soudainement je tombe sur Die Blendung, donc Auto da Fé, de Elias Canetti. Le nom était totalement inconnu, c'était dans les années 60 et le titre m'a fasciné, je pensais que c'était une traduction de l'italien. Alors j'ai commencé à lire le texte, et j'ai laissé tomber mon travail et j'ai lu d'un seul trait ce roman. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut absolument que je connaisse cet auteur. Donc je me suis documenté, j'ai constaté qu'il y avait encore un autre livre qui était disponible, c'était Masse et puissance, et que Canetti était encore en vie. Et donc j'ai fait le nécessaire, c'était pas facile, pour le rencontrer. L'homme a un rejeton. Qui est son rejeton? La prisonnière. Ce disant, il la montrait. Se servant au lieu de l'index de son poing fermé. Quand il disait « la prisonnière », elle devait faire en souriant le même mouvement de lèvres. Elle voulait s'éloigner, sa lourde botte lui barrait le passage. Un père a droit à l'amour de son enfant. À voix haute, d'un ton égal, comme si elle était à l'école, elle lançait la fin de la phrase. Mais elle se sentait très abattue. Pour se marier, ma fille, il allongeait le bras, n'a pas le temps. La nourriture lui vient de son bon père. Les hommes ne veulent pas du tout d'elle. Que ferait un homme d'une enfant stupide? Maintenant son père va l'arrêter. Sur les genoux, le père tient ça, fidèle fille. Un homme se fatigue de là, police. Si la fille n'est pas gentille, elle aura une correction. Le père sait pourquoi il la corrige. Les coups ne font pas mal. Il faut qu'elle sache ce qu'elle doit à son père. Il l'avait empoignée et attirée sur ses genoux. De la main droite, il lui pinçait la nuque parce qu'elle était arrêtée. De la main gauche, il se faisait rôter. Les deux choses lui étaient agréables. Elle rassemblait toute sa pauvre intelligence pour compléter correctement les phrases et se gardait de pleurer. Pendant des heures, il la caressait. Il lui enseignait des prises qu'il avait inventées lui-même, la bousculait de droite à gauche et lui montrait comment on pouvait dompter n'importe quel criminel par un joli petit coup à l'estomac. Qui, en effet, ne se sentirait pas mal après cela? Auto da Fé, c'est son premier roman. Et le seul. Voilà, restait le seul. Qu'il commence à rédiger à son retour de Berlin. Mais c'est assez étonnant parce qu'il dit que bon, c'est un livre rempli de méchanceté et qui peut faire mal. Et il recommande même à ses lecteurs enfin, de ne pas le lire parce que c'est un livre qui pourrait leur faire mal. Comment vous comprenez ça? Vous savez peut-être qu'un des grands connaisseurs de l'œuvre de Canetti, Claudio Magris, a écrit un certain nombre d'articles sur ce problème en dénigrant pratiquement l'autobiographie. Claudio Magris fait partie des lecteurs qui disent, grosso modo, le Canetti qui nous intéresse, c'est le Canetti viennois et Masse et puissance. Tout le reste ne nous intéresse pas. Notamment l'autobiographie. C'est beaucoup trop gentil, c'est enjolivé, ça ne correspond pas à la réalité. Et j'ai beaucoup discuté avec Canetti de ce problème-là. C'était un problème sérieux pour lui. Il m'a dit à plusieurs reprises que parfois il ne comprend plus comment il a pu être aussi cruel et aussi méchant dans sa production viennoise des années 30. C'est-à-dire le théâtre est aussi cruel. Nos comédies des vanités, c'est peu connu en France, mais le roman est effectivement un roman d'une cruauté extrême, et moi je pense que le jugement d'un de ses premiers lecteurs, et lecteur enthousiaste, Alban Berg, est juste. Hein. Chez Canetti, vous avez écrit donc une épopée de la haine. Mais déjà, Berg ajoute, c'est pas trop grave, parce que moi je sens battre derrière de cette épopée de la haine le cœur de Canetti. C'est un cœur de quelqu'un qui aime l'humanité. Et dans les discussions que Canetti relate, discussion qu'il a eue avec Hermann Proch, Proch lui reproche alors de produire de la peur. Et Proch pense que l'écrivain est là alors, pour apaiser la peur. Et Canetti est un auteur qui provoque la peur. Et Canetti dit, bon, mais c'est nécessaire, c'est un phénomène cathartique. C'est-à-dire, il faut faire peur, parce qu'autrement, les hommes ne comprennent pas la gravité de la situation. Quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes tiraillés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner notre vin, irais-je jusqu'à dire que c'est de ta faute? Non. Mais tu y es pour beaucoup. Auto da Fé, c'est l'expérience personnelle de Canetti. C'est l'expérience personnelle de Canetti, quelqu'un qui est un homme de culture essentiellement. Youssef Ishakpour. Un homme de livres. Et c'est, il avait dans sa... Paraît-il, moi je ne suis jamais allé dans sa maison à Londres, mais il paraît que c'est des pièces remplies de livres. C'est exactement le monde de Keane dans Auto da Fé. Et c'est un peu pour se liquider lui-même qu'il a écrit ce livre. C'est pour ça que cette dimension extrêmement douloureuse du livre, ça, il peut dire, comme Flaubert avait dit, Emma Bovary, c'est moi, Peter Keane, c'est moi. Ça, c'est ce côté. Donc, il a écrit le livre. D'ailleurs, c'est pas par hasard, c'est en même temps quasiment qu'il y a La nausée de Sartre, qui est aussi l'histoire d'un homme dans une bibliothèque. C'est vraiment la fin d'une époque de la relation entre l'individu et la culture, parce que quelque chose d'énorme allait arriver. Elle est complète. m'ont déchiré ma tête. Mais à la fois, c'est vrai que Auto da Fé, c'est quand même d'abord prémonitoire pour le titre, et puis c'est aussi la fin d'un monde, celui dans lequel vivait Canetti, et puis aussi par la fin aussi des livres. C'est la fin du, en quelque sorte, si vous voulez. D'ailleurs, Canetti, ça fait partie des choses qui ne vous comprenez plus. À la fin de sa vie, mais déjà à l'époque de la rédaction du roman, il en était quand même conscient, c'est-à-dire faire brûler les livres. À la fin du roman, c'est un symbole énorme, c'est-à-dire c'est effectivement la destruction de la culture occidentale dans sa totalité. C'est-à-dire c'est donc la fin d'un monde qui est remplacé par la barbarie. Radical, c'est-à-dire quand on pense que pour les autres personnages donc, qui entourent le savant Keane dans le roman, donc le concierge, sa propre femme, le livre n'est plus rien d'autre qu'un objet de valeur et pas de très grande valeur. C'est-à-dire on le porte au mont de piété pour en tirer un peu d'argent, mais il n'a plus aucune autre signification. Ce qui vous a intéressé particulièrement Alain Brossat, c'est le rapport tout à fait singulier qu'Elias Canetti entretient à l'histoire. Il fait une lecture de l'histoire qui vous paraît tout à fait originale. Il y a dans le territoire de l'homme quelques remarques, chacune de quelques lignes, qui suffiraient à mon sens à justifier son prix Nobel. C'est des remarques dans lesquelles il explique en substance qu'existe un lien intime entre histoire comme récit, l'historiographie telle qu'elle est écrite par des professionnels, des historiens, et le pouvoir. Il explique cela en remarquant que l'histoire qui s'écrit, qui devient l'histoire réglementaire et qui devient l'histoire officielle ou l'histoire savante, aussi tout simplement, eh bien, cette histoire est toujours une histoire de vainqueur. C'est l'histoire de la solution, disons, qui a triomphé. Et le propre donc de cette histoire ou de cette historiographie, c'est d'éliminer tous les possibles qui ont été vaincus. Or, le point de vue de Canetti, en toute chose, il a cette affinité profonde avec un penseur qui, lui, a l'étiquette de philosophe comme Walter Benjamin, à savoir que le passé, à vrai dire, ne peut s'écrire que du point de vue des faibles et des vaincus. Il n'y a que de ce côté-là que se produisent des lumières réelles sur le passé. La mémoire ne doit pas être une mémoire commémorative ou une mémoire antiquaire, mais une mémoire qui fait revenir dans le présent les possibles inaccomplis. Il y a ce point de vue dans Canetti, et à partir de là, il développe une critique extrêmement acérée, donc d'une histoire qui traite l'échu, c'est-à-dire ce qui s'est effectivement passé, les solutions qui se sont effectivement réalisées, comme le nécessaire, comme l'inévitable, la logique inflexible de l'histoire. Il le conteste formellement, et à mon sens, il a raison, en réintroduisant donc la notion de l'aléatoire dans l'histoire, en disant que chaque moment, eh bien, il y a une infinité de possibles qui sont présents. Bon, en gros. Voilà ce que j'admire beaucoup chez Canetti dans son rapport à l'histoire, ce refus d'accepter la prétendue règle de nécessité dans l'écriture du récit de l'histoire, cette ouverture effectuée a posteriori sur les faits, sur les éléments, etc. C'est extraordinairement important, je crois, disons, pour évaluer les pactes secrets qui s'effectuent, qui s'établissent entre le pouvoir et le savoir. 1944. La plus grande tentation spirituelle de ma vie, la seule contre laquelle il m'est très dur de lutter, c'est d'être juif totalement. À quelque endroit que je l'ouvre, l'Ancien Testament me subjugue. Il ne s'y trouve, pour ainsi dire, pas un passage où je ne découvre quelque chose qui me concerne personnellement. Je me serais volontiers vu avec le nom d'Abraham ou de Noé, encore que mon propre nom me remplisse également de fierté. Lorsque je me sens menacé d'être englouti dans l'aventure de Joseph ou de David, je tente de me persuader qu'ils enchantent le poète que je suis. Et quel poète n'aurait-il pas enchanté? Seulement ce n'est pas la vérité. Il y a là-dessous bien davantage encore. Car mon propre rêve de longévité pour l'humanité future, pourquoi l'ai-je retrouvé dans la Bible comme un fait du passé avec la liste des grands patriarches? Pourquoi le psalmiste hait-il la mort autant que moi? J'ai méprisé mes amis quand ils s'arrachaient à la tentation de s'intégrer à la multitude des peuples et redevenaient aveuglément des juifs exclusivement, qu'il m'est difficile aujourd'hui de ne pas faire comme eux. Les nouveaux morts, ces morts enlevés prématurément très longtemps avant leur heure, nous en supplient. Et qui aurait le cœur de leur dire non? Et cependant, les nouveaux morts ne sont-ils pas partout, de tous les côtés et parmi tous les peuples? Ai-je le droit de me fermer aux Russes sous prétexte qu'il existe des juifs? Aux Chinois parce qu'ils sont loin de nous, aux Allemands parce qu'ils sont possédés du diable. Ne puis-je pas continuer à être à eux tous comme auparavant, tout en étant juif quand même? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, à mon avis, il veut dire deux choses. Il veut dire, d'une part, je n'abandonnerai pas la langue allemande. Ça n'est pas possible. Je suis pétri de cette langue allemande. J'ai été forgé par la langue allemande. C'est l'élément dans lequel je pense et dans lequel j'écris. C'est devenu une chair. D'autre part, j'ai une nostalgie formidable qui m'assaille à l'égard du judaïsme que j'ai jusqu'à présent négligé et qui tout d'un coup m'apparaît dans une dimension tellement morbide, tellement affreuse, tellement catastrophique que... je suis fou de l'avoir négligé. Et du coup, il y a chez lui certainement un retour sincère à quelque chose qu'il n'a pas considéré jusqu'à présent comme essentiel. À savoir, un judaïsme vu alors autrement, avec d'autres yeux que ceux qui étaient les yeux de sa mère, finalement. Le regard un peu apitoyé pour le judaïsme folklorique de Bulgarie, qu'il considérait, à juste titre, d'ailleurs, de certaines manières, comme un judaïsme plutôt folklorique, pas très développé, tout à fait oublieux de ses propres traditions et du sens de ses traditions, ou même de leur grandeur. Bon, ça c'est clair. D'autre part, Canetti n'a pas été quelqu'un qu'on a vu, par exemple, à Vienne, intéressé, durant l'époque de sa maturité intellectuelle, la maturité de sa formation intellectuelle, intéressé par le judaïsme. On le voit fasciné par Krauss. Bon, ça c'est clair. Mais encore une fois, Krauss représente un exemple éminent de production inouïe d'une langue allemande qui se projette dans un avenir et crée son propre territoire et qui n'était parlé par personne d'autre que Krauss. C'est-à-dire que Krauss était dans une position d'originalité, de singularité totale extrêmement provocatrice. Parce que ça signifiait à la fois pour les Juifs un pôle d'attraction en disant « Regardez, voici un Juif qui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Il porte pas des paillettes, il porte pas le caftan, c'est pas un paysan, c'est pas un gars du shtetl, il est pas soumis à des croyances mythologiques imbéciles, etc. » Et d'autre part, contre les Allemands, parce que ça leur disait « Vous autres Allemands qui croyez détenir une langue admirable, vous n'êtes même pas capable de la manier comme je le fais. » C'est-à-dire que nous autres Juifs, assimilés plus ou moins, nous sommes les meilleurs Allemands, ou les meilleurs Viennois, ou les meilleurs interlocuteurs. Une sorte de volonté d'excellence que décrit assez bien Proust. Ils ont tous les traits caractéristiques de quelqu'un qui veut être le meilleur. Bon. Son problème, c'est qu'il est à contre-courant, et qu'en un sens, il l'est de plus en plus dans un monde qui qui cherchent des identités simplifiées, ou qui régressent vers des identités simplifiées. Qu'est-ce que vous voulez faire de Canetti, pour autant qu'il est juif, de Canetti comme juif, dans un monde où des gens sont de plus en plus autorisés à vous expliquer que, je sais pas quoi, les mariages mixtes entre juifs et non-juifs, ça relève de la catégorie du génocide. Bon, des gens comme... Il en existe chez nous et ailleurs aujourd'hui. Bon, Canetti est évidemment un zombie dans un monde comme celui-ci. Je crois que lui, il avait compris ce que notre monde n'a pas encore compris, c'est-à-dire que chaque individu a plusieurs identités. Et que l'on ne vit bien intellectuellement, culturellement et même linguistiquement que pour autant que l'on naît dans cette multiplicité variable, dans cette richesse d'échanges, de substitutions, de passages d'une identité à l'autre. C'est la non-coïncidence qui fait la force de quelqu'un comme Canetti, le fait qu'il ne coïncide avec aucune de ses postures et avec aucun des costumes que l'on pourrait lui prêter. Je crois qu'il montre une figure d'avenir et qu'il n'est pas du tout le personnage d'une vieille Europe centrale à la Claudio Magris, Danube, etc., d'un monde perdu. Il n'est pas le personnage d'un monde perdu, il est le personnage d'un monde à venir. Bon. Et c'est pour ça qu'il est mal, qu'il est dans un pays comme la France, qu'il est si mal compris, notamment comme juif, parce qu'il ne coïncide pas du tout avec les figures dominantes de la judaïté en France aujourd'hui. Quand on examine le sentiment de puissance, on arrive à des conclusions assez divergentes. Mais il y a une chose que je crois est toujours contenue dans ce sentiment, et dont on n'a pas proprement parlé. C'est ce que j'appelle le sentiment de survie. Je crois que le sentiment concret de survie, le fait que quelqu'un est devant vous mort et que vous êtes debout vivant, donne un certain sentiment de satisfaction. On sent une satisfaction quand on vit, quand on est en vie, en présence de la mort. C'est une chose qui arrive à tout le monde. Si c'est une chose, si c'est dans une guerre, si c'est un ennemi qui est mort, alors on est content parce qu'on a gagné, on n'est pas forcément c'est le mort soi-même. Mais ce sentiment existe aussi dans la vie privée, partout. Et je crois que j'ai prouvé qu'il y a quelques personnes qui ont eu ce sentiment de satisfaction d'une façon tellement concentrée qu'ils l'ont eu souvent, que ça devient une passion dans leur vie. Ils veulent toujours survivre d'autres. Cette passion existait, par exemple, dans un homme comme Hitler. Je crois que c'est une passion cachée. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au pouvoir qui ont cette passion, qu'on pourrait dire pathologique, qui la cache, mais leurs actions, leurs décisions, tout l'impétus qu'ils donnent aux événements historiques est influencé par cette passion cachée. Hitler aimait la guerre, il voulait la guerre, il voulait pas seulement que les ennemis de l'Allemagne soient détruits, il voulait aussi survivre à des Allemands, et même quand il a perdu la guerre, il n'a pas fini, il voulait que toutes les villes allemandes soient brûlées, qu'il y ait une sorte de Götterdämmerung allemand où tout est détruit. Alors ça dérive de cette passion pour la survie. Je crois qu'on peut prouver que ça a existé dans beaucoup d'hommes puissants, dans Genghis Khan, dans Tamerlan, même aussi dans d'autres qui ont fait d'autres choses à part détruire. Et il me semble qu'il est d'une importance capitale de guetter les gens qui arrivent au pouvoir pour trouver s'il y a cet élément caché en eux, qui est le plus dangereux qui existe pour l'humanité. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de dire que les possibilités aujourd'hui pour un homme qui a cette passion, qui arrive au pouvoir, sont d'une dimension inouïe, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui arrive au pouvoir, je dis, à le pouvoir de déclencher une guerre atomique, pourrait vraiment survivre une grande partie de l'humanité, s'il survit. Il y a peut-être aussi également une autre dimension, c'est qu'il a été quand même le témoin d'un moment où l'histoire a été particulièrement catastrophique. Et il dit notamment qu'au-delà d'un certain point précis du temps, bon, l'histoire n'a plus été réelle. Et sans s'en rendre compte, la totalité du genre humain aurait soudain quitté la réalité. Alors certainement, il fait référence à tous les événements du début du siècle, qui ont quand même complètement traumatisé, enfin qui ont été des événements traumatiques. Et il dit que tout ce qui se serait passé depuis lors ne serait plus du tout vrai. Et à la fois, on est dans l'incapacité de s'en rendre compte. Et bon, la difficulté et la tâche, c'est de devoir justement recouvrer ou découvrir ce point, cette espèce de tâche aveugle qui nous empêche aussi de penser l'histoire. Oui, c'est un point qui n'est pas très facile. Bon, moi, ce que j'en comprends chez Canetti, c'est l'idée que après, d'une certaine façon, l'humanité est morte à Auschwitz et à Hiroshima. Il dit les deux. C'est-à-dire, elle est morte dans son fondement culturel, et donc on entre dans une autre ère qui est une ère fondamentalement déréalisée, qui est le temps du survivant. Il y a une théorie du survivant qui est très, très originale et que je trouve très forte chez Canetti, que d'ailleurs Youssef Ishakpour reprend bien dans son livre sur Canetti aux éditions de La Différence, et qui est cette idée que depuis les origines de l'humanité, il y a ce combat de ceux qui sont attachés au pouvoir, ceux qui pensent que ce qui vaut quelque chose, c'est le pouvoir, pour manger en quelque sorte la vie des autres et rester le dernier, être le dernier. Bon, je dis Kennedy, c'est la grande construction paranoïaque du tyran, notamment. Bon. Et littéralement, il a une conception, Kennedy a une conception cannibale du pouvoir. Bon. Le tyran étant donc la figure même du survivant, ce qui est évidemment un paradoxe intéressant, parce que d'habitude on ne voit pas le survivant du côté du tyran, on voit le survivant du côté de celui qui est resté après une grande catastrophe. Bon. Et donc on vivrait après Hiroshima et après Auschwitz dans un temps où il n'y aurait plus de vie, il n'y aurait plus que de la survie ou de la survivance, ce qui correspondrait à un état de perte de réalité massive et radicale. La réalité même, et pas seulement la vie de tel ou tel groupe. Et dans un monde post-totalitaire, on ne pourrait pas revenir. On ne reviendrait jamais à l'état des choses antérieures. La réalité serait devenue fondamentalement fragile, serait virtualisé, comment dirais-je aujourd'hui, déréalisé, etc. Oui, je crois que, en ce sens aussi, Canetti est quand même très précurseur. Dès ma première jeunesse, j'étais très impressionné par les masses que j'ai vues, par grands événements, l'éclatement de la guerre mondiale. J'étais à Vienne à ce temps-là, j'ai vu l'enthousiasme des gens dans la rue. J'avais 9 ans à ce temps-là, et plus tard, j'ai participé à beaucoup d'événements de cet ordre en Allemagne pendant l'inflation, après à Vienne où il y avait une guerre civile, vous rappelez peut-être le célèbre chose du février 34 à Vienne où il y avait une bataille dans la rue de Vienne, ou avant en 1927 où on a brûlé le palais de justice. Et puis j'ai vu les nazis à Vienne, j'ai quitté, il y avait la seconde guerre. Je crois que tous ces événements ont une importance capitale pour ma vie. Et j'ai toujours essayé de comprendre ce phénomène de masse. Alors, Masse et puissance, en fait, on peut considérer que c'est l'œuvre majeure de Canetti. Il la commence en 1925, elle n'est publiée qu'en 1960. Enfin, c'est l'ouvrage, fondamental. Alors, c'est un ouvrage un peu particulier, parce qu'on difficilement, il est assez inclassable. Oui, c'est ni une œuvre théorique, ce n'est pas un récit non plus, sûr. La façon dont Canetti présente les choses... Il y a une sorte d'ethnologie aussi des phénomènes de pouvoir. Il y a une ethnologie, il y a parfois des récits, des légendes en quelque sorte qui interviennent. C'est-à-dire, d'un point de vue de la forme, c'est le contraire d'un traité théorique. On attend évidemment quelque chose dans le genre de Freud ou de Reich ou de Ortega y Gasset. Bon, il y a des spécialistes de la question. Il faut dire que la question de la masse dans les années 20 et dans les années 30 est une question essentielle. On voit très très bien à la façon dont les grandes dictatures manipulent les masses. Ils développent des techniques de domestication, de manipulation des masses. Et de l'autre côté, donc, il y a des théoriciens qui essaient de comprendre pourquoi est-ce possible, comment réagissent les masses, pourquoi de telle ou telle façon. Donc Canetti s'oppose très visiblement au texte de Freud. Derrière cet intérêt massif pour la masse, il y a la Première Guerre mondiale, la première guerre réellement de masse, et les conséquences de cette Première Guerre mondiale qui sont des grandes révolutions de masse. Révolution russe, mais aussi la révolution en Allemagne, la révolution à Vienne, la destruction des monarchies. Pour Freud, c'est évidemment la destruction du père, hein, et les masses orphelines qui n'arrivent pas à construire leur fratrie, hein, leur système fraternel, qui devrait arriver, si Freud avait raison dans Totem et Tabou, ce qui arrive, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire les masses se tournent vers les dictateurs. Et d'où aussi, dans un premier mouvement, je dirais, pratiquement une vision exclusivement négative du phénomène des masses. Et ce qui n'est pas le cas chez Canetti. Hein. Alors, je crois qu'il apporte ici vraiment une perception radicalement nouvelle de la masse, qui est une perception qui a un sens anthropologique général, disons dans une définition de la modernité comme le temps de la masse, hein, mais aussi qui a un sens politique extrêmement profond, c'est-à-dire il annonce le temps des masses, comme temps de la politique moderne et contemporaine. Donc, en ce sens, bien sûr, les phénomènes totalitaires, mais pas seulement. Le gouvernement à la masse, etc., il définit finalement la masse comme le sujet politique moderne par excellence. Extrait du Flambeau dans l'oreille, où il raconte donc la fameuse émeute au palais de justice de Alain Brossat de Vienne le 15 juillet 1927. Ce texte me paraît évidemment à marquer d'une pierre blanche parce que il livre les clés de Masse et puissance. Et dans ce texte, Canetti rompt totalement avec la perception de la masse qui a été élaboré dans les dernières décennies du XIXe siècle, dans des pays comme la France, aussi bien que l'Italie, l'Allemagne, etc., de la masse comme un phénomène pathologique. La masse ne pense pas. La masse est un troupeau qui a besoin de meneurs. La masse agit de façon irrationnelle. La masse ne peut être que destructrice, etc. Bon. Là, dans ce cas, enfin, dans le cas que rapporte Canetti, la masse est aussi victime, c'est-à-dire qu'elle s'est insurgée pour des raisons tout à fait légitimes et elle se retrouve sacrifiée. Elle se retrouve sacrifiée, elle est détruite et elle détruit, puisque elle est détruite, la police va tirer dans le tas et il y aura des dizaines de morts. Mais la masse, est aussi, c'est une masse, la masse dont il parle ici, c'est une masse émeutière, donc qui détruit, qui met le feu au palais de justice, qui brûle tous les dossiers, qui pend au passage quelques agents de police, donc c'est une masse violente, qui par ses traits-là rappelle les masses, les foules de la Révolution française. Mais c'est une masse qui est aussi animée par une aspiration à se libérer. Elle est en colère, et elle est en colère légitimement, puisque il ne faut pas oublier que cette émeute survient après l'acquittement inique des assassins d'ouvriers en grève dans le Burgenland, donc quelque part en Autriche. Et donc c'est à la suite de ce jugement inique que cette masse, en fureur, descend dans la rue, brûle le palais de justice, etc. Et il y a une aspiration... à redresser, enfin, il y a une aspiration authentique à la justice, disons. C'est pas pour rien qu'on s'en prend, il le dit quelque part, c'est pas pour rien qu'on s'en prend un palais de justice dans lequel a été commis une injustice aussi flagrante. Bon. Lui, il conçoit la masse en émeute ici, non pas comme un objet, mais comme une expérience qu'il fait. C'est une expérience, il est dedans. Quand on est vraiment pris par une masse, on ne réfléchit pas, mais on a la mémoire de cette expérience. Et cette mémoire, je crois, est très importante. Par exemple, il y a un procès dans la masse que j'essaie de décrire, ce que j'appelle la décharge. Je crois que une fois pris dans une masse dynamique, les grandes distances entre les hommes, les différences de position, de rang, de richesse, d'intelligence, et tout à coup... oublié. Tout le monde se sent égal à l'autre. C'est ce sentiment d'égalité dans la masse dynamique qui est très important. On se sent libre de tous ces fardeaux de distance dont les hommes souffrent. Ils en souffrent beaucoup, même sans le savoir. Alors ça, c'est une chose assez importante qui agit dans la formation des masses. Il n'est pas comme un savant qui observe la masse comme si c'était un tas de fourmis en train de s'agiter. Il est dedans et toutes les descriptions qu'il fait de l'émeute sont des descriptions de l'intérieur. Il assiste à l'émergence d'un nouveau sujet de l'histoire et peut-être davantage de la vie sociale, etc., qui est la masse, qui n'est plus l'individu. L'individu n'existe plus littéralement. Il montre comment lui, même lui qui s'efforce toujours d'observer les détails, eh bien, est emporté par cette masse. Et c'est là que surgissent, bien sûr, les grandes images archaïques. Alors la houle, la vague, la mer, donc, et puis le feu. Le feu, c'est la contagion. Là, vous avez un va-et-vient ou un jeu constant entre cet incendie, donc la forme concrète que prend l'émeute, l'incendie du palais de justice, et puis une perception par Canetti de la masse elle-même comme un incendie qui se répand, qui gagne, qui croît sans cesse, etc. Et là, survient cette notion essentielle, à savoir que la masse existe pour autant qu'elle s'accroît. J'ai trouvé un terme qui, je crois, a quelques valeurs. Pour ces masses primitives, je les appelle les meutes. Et j'ai essayé de trouver différents types de meutes. Il y a la meute de chasse, il y a la meute guerrière, il y a la meute funèbre qui se forme autour d'un mort. Et il y a aussi des rites que j'appelle les meutes de multiplication. Ce sont des rites très importants. Et je crois même que le sentiment exubérant et un peu étrange de production que nous connaissons dans notre vie, et qui est presque on pourrait dire, devenue une croyance générale dans tous les pays, dérive psychologiquement de cette meute de multiplication. Il n'y a pas de regard horrifié sur la violence de la masse, là. Il n'y a aucun élément normatif dans sa description. Il essaye d'être aussi précis que possible dans la reconstitution des sensations qu'il a éprouvées au cœur de l'émeute. Mais à aucun moment, il ne dit « cette violence est épouvantable, elle nous annonce des désastres, etc. » Pas du tout. Il essaie d'en comprendre la logique. Voilà, il essaie d'en comprendre les règles. Comment une masse émeutière, en l'occurrence, se constitue, comment elle s'augmente, comment elle agit, et comment ensuite elle se défait. Mais il n'y a pas de plaquage d'une théorie négative de la masse là-dessus. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il dit une telle masse, elle n'a pas besoin de fureur. La masse est autonome. La masse suit sa trajectoire propre comme une comète et accomplit ce qu'elle a à accomplir. Ces descriptions, elles sont cinématographiques. Elles sont cinématographiques avec une espèce de caméra subjective. Lui, il est dans la masse. Hein. Il n'est pas, c'est pas la prise du palais d'hiver vue du haut des tréteaux par Eisenstein. Il est dans la masse avec sa caméra subjective. Il suit les mouvements de la masse et il essaye de se rappeler aussi précisément que possible, avec un grand scrupule d'observateur, la façon dont il a vu, perçu, senti. Et donc il prend acte du fait que l'on entre dans le temps de la masse. Mais encore autre chose là-dessus, qui montre que combien il rompt avec les perceptions aristocratiques, et négatives ou scientistes de la masse. Il fait des distinctions très importantes entre masse et matière, par exemple les masses en fait. Hein, on dit que il avait l'intention de faire un deuxième volume de Masse et Puissance. Et dans ce deuxième volume de Masse et Puissance, auquel il a finalement renoncé, il aurait pris en compte les mouvements des années 60, notamment les 68 en France. Bon. Parce qu'il était très intéressé par cette notion de la masse en fait, qui, elle, n'a pas du tout le même rapport à la violence que dans les meutes telles qu'il l'a décrit là, les meutes sanglantes, les meutes avec des morts, et qui n'avait aucun horizon, mais qui était beaucoup plus une masse en expansion, dans une sorte de liesse, de joie, d'insouciance, etc., mais qui néanmoins est une masse politique. La dernière chose là-dessus, c'est que la grande différence avec ses prédécesseurs de type Le Bon, etc., mais même Freud, hein, qui est son contemporain, c'est qu'il ne pense pas du tout que toute masse soit réductible à la meute en archaïque. Révolution. Plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire la barricade ferme la rue, mais ouvre la voie. Si on devient part de la masse, on ne réfléchit plus. Mais on peut éviter une masse. Il n'est pas absolument nécessaire de la joindre. On est dehors, on commence par être dehors, on la voit quelque part. Alors, si on sait quel est le but de cette masse, parce que chaque masse a un but, on a une décision libre de, on peut la joindre ou non. C'est seulement quand on est devenu masse qu'on n'est plus libre. Et il n'y a aucune masse qui est permanente. Il y a des moments de masse. Et entre un moment et un autre, on a encore la possibilité de réfléchir. Et il y a beaucoup de moments de masse et beaucoup de moments d'état individuel. Et le résultat d'une décision dérive de tous ces moments sont additionnés. Alors, dans ces moments, il y a un choix. Je crois que une personne qui veut être vraiment vivant dans notre temps, ne pas s'isoler, il doit avoir le don de protestation. Ça, c'est très important. Et j'ai même essayé d'examiner d'une façon peut-être nouvelle tout le complexe de l'ordre. Parce que on sait que dans la vie moderne, et surtout dans les mouvements vu en Allemagne, par exemple, dans le national-socialisme, l'ordre joue un part capital. Et le danger de mouvements comparables dans d'autres pays n'est pas tout à fait exclu. Pour pouvoir protester, il faut connaître le mécanisme des ordres. Il faut voir ce que les ordres font aux personnes qui les ont obéies tout le temps. Et je suis arrivé à une théorie de l'ordre que je crois pourrait aider à cet élément de protestation absolument nécessaire. Mais la protestation n'est pas l'isolation. L'effet de ces ordres sur la mentalité de l'homme qui les obéit mécaniquement est absolument catastrophique. C'est ce qu'on a vu en Allemagne, d'ailleurs. Et on le voit maintenant, quand les coupables de plus atroces crimes disent « j'en peux rien, c'était mes ordres », ils le croient même. Il y a même des personnes qui croient honnêtement qu'ils ne pouvaient rien faire en obéissant leurs ordres. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire et que ce n'était pas du tout la faute qu'ils ont fait. Et même si ce sont des crimes inouïs. Quelque part sur moi que je tourne les yeux, je ne vois que le malheur qui condamne les dieux. Méritons leur courroux, justifions leur haine. Que le fruit du crime en précède la peine. remarque qui constitue le territoire de l'homme. Il y a de nombreuses piques et charges contre la philosophie, pour autant que la philosophie est enfermement dans un système. Où il retrouve cette notion de la nécessité, d'une nécessité qui prend corps dans un discours, dans une armature conceptuelle. Bon. Lui, il pense que le travail de l'intellectuel, de l'écrivain, enfin, si je l'ai bien compris, doit se tourner vers le multiple hein, plutôt que vers l'un, et se tourner vers l'aléatoire plutôt que vers le nécessaire. C'est pour ça qu'il y a toujours cette sorte d'attention au détail. Le détail étant par excellence le domaine du multiple, le détail s'énonçant plutôt comme au pluriel, toujours comme les détails. Et là, la masse, la totalité des singularités auxquelles le poète, hein, puisqu'il s'appelle lui-même le poète, mais il faut faire attention, il le pense, je suppose, en allemand, là, et ça ne veut pas dire poète comme en français, ça veut dire aussi écrivain, Dichter. Bon, poète, c'est-à-dire celui qui est ouvert au monde, qui présente cette ouverture maximale au monde, qui lui permet d'approcher les êtres dans leur diversité, leur multiplicité, leur singularité, et d'entendre l'infime, je dirais. Je crois que c'est ça le secret d'un texte aussi remarquable que Les Voix de Marrakech. C'est-à-dire entendre ce que le passant, le touriste, naturellement, le témoin ordinaire n'entend pas. Des voix. Les voix, les cris, des bruits, des paroles étouffées, murmurées, etc. Et pas seulement ce qui est articulé dans un discours et dont la forme extrême serait le logos philosophique, bien sûr, ou ce qui est articulé dans un propos politique ou dans un récit historique. Disons, il se méfie des articulations trop fortes, trop contraignantes. Bon, moi, ce que j'admire beaucoup, c'est cette disponibilité à ce qui passe en dessous, disons, de l'ordre, en dessous de l'ordre du discours bien articulé, en dessous de l'ordre politique, pour autant que c'est un ordre fait d'institutions, en dessous de l'ordre familial aussi, naturellement. Ça, je crois que c'est une chose qui est rare et précieuse et qui est propre à Canetti. J'essaie de raconter quelque chose et aussitôt que je me tais, je m'aperçois que je n'ai encore rien dit. Une substance merveilleusement lumineuse et réfractaire reste en moi qui tourne mes mots en dérision. Est-ce la langue de là-bas que je ne comprenais pas et qui doit maintenant se traduire en moi, peu à peu? Il y avait là des événements, des images, des sons, dont le sens vous échappe d'abord, qui n'étaient ni traduits ni définis par les mots, et au-delà des mots, ils sont plus profonds et plus ambigus qu'eux. Je rêve d'un homme qui aurait désappris les langues de la terre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus comprendre dans aucun pays ce qui s'y dit. Qu'y a-t-il dans la langue? Que cache-t-elle? Que vous prend-elle? Au cours des semaines que j'ai passées au Maroc, je n'ai essayé d'apprendre ni l'arabe ni aucun dialecte berbère. Je ne voulais rien perdre de la puissance exotique des cris. Je voulais être touché par les voix telles qu'elles sont par elles-mêmes et n'en rien affaiblir par un savoir artificiel et insuffisant. Je n'avais rien lu sur le pays. Ses coutumes m'étaient aussi étrangères que ses habitants. Le peu de ce que l'on apprend trop facilement au cours d'une vie, sur chaque pays ou chaque peuple, s'oublie dans les premières heures. Les voix de Marrakech. On ne peut pas séparer le talent littéraire de Canetti de cette position, moi j'appelle une position interstitielle, c'est-à-dire, bon c'est pour autant qu'il est juif d'ailleurs, c'est une forme de rapport à la judaïté tout à fait spécifique, c'est-à-dire il se définit comme celui qui est entre, hein, dans des espaces qui sont des espaces mal habités, dans des no man's land, etc. C'est-à-dire il n'est jamais adéquat à une posture linguistique, parce que quand il parle une langue, il a toutes ses autres langues derrière. De la même façon que quand on lui demande « Vous êtes qui ?», il dit « Je suis, mettons, un Anglais ». Mais derrière, il a aussi le fait qu'il est un Juif, et ceci et cela, et qu'il vient de Routchouk, etc., etc. Bon, il présente toujours cette capacité de décalage qui lui permet de créer la perspective. Ça aussi, dans les voix de Marrakech, on le voit très bien. Comme il n'est jamais réductible à une identité assignée, Alors, à partir de là, il peut créer de la poésie. À partir de là, il peut créer, dans ce décalage même, tout un rapport d'authenticité, me semble-t-il, avec ses interlocuteurs, qui passe par une présence, qui passe par précisément ce qui n'est pas réductible à un ordre linguistique, un ordre du discours. Il y a toujours ce tremblement autour de la langue qu'on emploie. Et qui serait susceptible d'être déconstruite, d'être défaite par une autre langue qui travaille derrière, qui sommeille derrière. Quand il parle en français avec ses Arabes de Marrakech ou avec des Juifs de Marrakech, bon, il y a toujours ce porte-à-faux qui est extrêmement productif. Pourquoi ? Ben parce qu'on a là une image de Babel. On a une image babélienne évidemment qui s'impose. Mais pas un Babel désastreux, pas un Babel catastrophique, mais un Babel productif, puisque c'est précisément là où les gens n'adhèrent pas aux identités assignées, qu'ils sont vrais, et puis qu'ils cessent d'être dangereux, parce qu'ils ne sont pas dans l'ethnisme, me semble-t-il. Donc s'il y a quelqu'un qui nous vaccine bien contre l'ethnisme, pour être politique, si vous voulez, c'est bien Canetti, aujourd'hui. Le parlant premier. Da steht sie, hebt den Arm langsam hoch und hält ihn mit wohleinstudierter Geste oben. Wenn alles geblendet die Augen schließt, lässt sie ihn le parlant premier fallen. Parle dann sur des patins et devance les piétons. Les paroles lui tombent de la bouche comme des noisettes creuses. Elles sont légères car elles sont vides, mais il y en a beaucoup. Pour 1000 creuses, il en vient une pleine, mais c'est un hasard. Le parlant premier ne dit rien à quoi il a d'abord réfléchi. Il commence par le dire. Ce n'est pas son cœur, c'est sa langue qui déborde. Peu importe aussi ce qu'il dit, pourvu qu'il ait l'initiative. D'un clin d'œil, il signale que cela continue, qu'il n'a pas encore fini. Puis, il cligne à nouveau les yeux et cligne si longtemps que l'autre perd tout espoir et se résigne à écouter. En fait, c'est vrai qu'il fait une carrière si discrète en France que il a l'éternité devant lui pour être découvert par un public français. Je crois que son gros problème par rapport à l'université notamment, c'est qu'il n'est pas disciplinaire. Il tombe dans des no man's land entre des disciplines. Pour les littéraires, il sera sans doute un peu trop philosophique. On peut pas construire une théorie du roman. Il a écrit qu'un roman, qui est quand même un roman un peu bizarre, autodafé, donc pas facile à mettre au programme d'agrégation. Alors que les germanistes en France qui s'intéressent à lui, des gens qui sont des spécialistes de l'Autriche. Les philosophes, pour les raisons que j'ai dites, considèrent que c'est une espèce d'ovni. Ils ne voient pas bien par quel morceau, par quel bout ils pourraient le prendre. Bon, voilà. Il y a quelques penseurs comme ça. Ça a été longtemps le destin de Benjamin. Le problème de Canetti, c'est qu'il n'est pas encore entré dans les cases. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal parce que ça permet à sa pensée de vivre et de respirer sans avoir à porter le fardeau souvent écrasant des interprétations. Canetti, lui, a la chance de pouvoir continuer à vivre librement. Les auteurs qui, aujourd'hui, nous disent que le but d'une vie, c'est d'être plutôt un vaincu, un pauvre et un faible, qu'un vainqueur, un gagnant et un prospère, ils ne sont pas si nombreux que ça, et à ce titre-là, ils sont installés, je crois, en bonne position sur toutes les cheminées, dans toutes les bibliothèques. Le sentiment le plus vil que je connaisse est l'aversion pour les opprimés, comme si l'on devait justifier leur écrasement par leurs défauts. Des philosophes très nobles et très intègres ne sont pas exempts de ce sentiment. Le collier de mouche. C'est un homme qui réclamait pour lui le droit d'être lent, de réfléchir en profondeur. C'est une pas opposition à notre époque qui est quand même une époque d'une certaine rapidité. Hein. Il n'était pas pour la vitesse. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles il avait un certain mépris pour Sartre. Et la façon de Sartre de prendre position immédiatement pour n'importe quel problème politique ou économique, historique, Il avait là une attitude bon, d'un homme non public. Hein. Il a toujours vécu à l'écart hein, du monde, à l'écart des honneurs. Après le prix Nobel, il est devenu carrément invisible. Et sa pensée est devenue de plus en plus elliptique, hein, laissant donc cet espace de respiration aussi au lecteur. Et ton nom paraîtra dans la race future. Et ton nom. Celui que son frère Jacques Canetti décrivait comme un lion meurt à Zurich le 14 août 1994. Il aurait aimé naître à toute époque, renaître sans fin, et de préférence à chaque fois, pour toujours. Le collier de mouche. Une vie, une œuvre, Elias Canetti, l'éveilleur d'un futur antérieur. Une émission de Catherine Paoletti, avec Alain Brossa, Youssef Ishakpour, auteur de Elias Canetti, Métamorphose et identité aux éditions de La Différence, Marc Delaunay et Gérald Stieg. Avec les voix d'Elias Canetti, Karl Kraus, Raphaël Sorin et Angel Saul. Texte lu par Daniel Mesguich. Archives sonores, Françoise Villemard, Dominique Jameux. Archives INA, Martine Auger. Enregistrement et mixage, Marie-Dominique Bougot, Philippe Bredin et Dimitri Kronoff. Réalisation, Anna Schmuck. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 novembre 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.